Chapitre 3e. Descendre en décembre. Le lendemain, après nuit sur le canapé de Fred, j'ai nagé dans le coaltard toute la journée. Dès 8 heures, Louisa est arrivée, alors que nous dormions tous deux à point fermé. Heureusement, c'était pile poil pour nous faire le café. Vers 2 heures de l'après-midi, on nous ramène le corps de Maïtena. Apparemment, le légiste a fait vite. Il va falloir s'occuper de la morte. Les ambulanciers l'ont déposée sur son lit dans la chambre du haut. Tous les trois, nous contemplons sa dépouille. Le docteur Charles ne l'a pas trop charcuté, en tout cas. Il a su masquer les traces de son bistouri. Le thanatopracteur fera le reste. Je suis impatient de savoir si Charles a trouvé autre chose que la chute mortelle. C'était une belle plante, Maïtena, 1,75 m environ. À 60 ans, elle se baignait encore en 2 pièces, bronzée toute l'année. L'hiver à la neige, l'été à la mer. Sportive, toujours partante, c'était une force de la nature. Quelle misère de terminer de cette façon. Je demande à Louisa de trouver une toile cirée ou quelque chose dans le genre. Devant son étonnement, je comprends qu'elle n'a pas une grande expérience d'une telle situation. Nous installons enfin Maïtena un peu mieux sur sa couche au milieu du lit, non sans mal, car Maïtena, même morte, pèse son poids. Je vais ouvrir la fenêtre, fermer les volets. On va la laisser comme ça, me fait Fred d'une voix plaintive. T'inquiète, tu devrais téléphoner aux pompes funèbres. Demande-leur de venir tout de suite, si possible. Pendant que le thanatopracteur s'occupera de Maïtena, tu auras tout le temps d'arrêter les modalités de l'enterrement. Donne bien ton adresse, ton téléphone et tout le Saint-Frusquin. Non, fais-le toi, moi je ne peux pas, dit-il dans un sanglot. Là-dessus, il s'étend près du corps de sa femme et lui prend la main. Mamie, je suis là, t'inquiète pas, lui dit-il. Je demande à Louisa d'apporter une bougie avec une soucoupe. Voilà, on ne peut pas faire grand-chose d'autre pour le moment, dis-je après avoir allumé la bougie. Nous redescendons, Louisa et moi, en laissant Fred se recueillir. Nous attendons silencieusement son retour, dans une atmosphère électrisée d'agressivité. J'en profite pour appeler les pompes funèbres. Finalement, Fred redescend en titubant. « Je monterai la voir de temps en temps, » murmure-t-il en s'effondrant dans le canapé. Sur ces entrefaites, le thanato est arrivé. Sur mon signe, il s'est directement dirigé vers l'étage sans un mot. À un moment, il s'est penché par-dessus la rampe et nous a timidement appelés. « Vous pouvez me donner ce que vous voulez que je lui mette comme vêtement ?»« Ah oui, c'est vrai, » a grommelé Fred. Aidé de Louisa, nous avons farfouillé dans le dressing. Fred a choisi une robe noire, assez décolletée, un peu courte, avec des escarpins noirs à haut talon. « Voilà, avec ça, elle sera du tonnerre, » a conclu Fred. Et là, Louisa a eu une réflexion touchante, à la limite du comique. « Mais non, monsieur Fred, avec ça, elle aura froid. C'est pas de saison. » Nous avons finalement opté pour un tailleur noir avec un chemisier à jabot que Louisa a porté au croque-mort. Ce dernier a juste entrebâillé la porte, se saisissant avidement des effets. « Eh ben, » a fait Louisa, vexée, « on dirait que c'est secret ce qu'ils font. » Finalement, le gars s'est penché par-dessus la rampe. « Voilà, c'est fini. Si vous voulez venir... » On a bien raison de dire à chacun son métier. Maïtena était resplendissante. On s'attendait à ce qu'elle ouvre les yeux. C'en était inquiétant. L'homme de l'art avait coiffé ses longs cheveux roux en auréole autour de son visage. Ainsi, on aurait vraiment dit une star de cinéma. Le thanatopracteur tendit à Fred une sébile. Je lui ai enlevé la chaîne qu'elle avait et les bagues. Et je n'ai laissé que l'alliance. Aussi sec, Fred a tendu la soucoupe à Louisa. Tenez, c'est pour vous. Je suis sûr qu'elle vous les aurait données. Ah non, monsieur Fred! Je ne peux pas accepter. Jamais de la vie. Je ne veux rien. » Après un soupir, Fred s'est alors tourné vers moi, l'air contrarié. « Tiens, Volpi, tu les donneras à Gilda et à ta fille, en souvenir de Maïtena. »« Fred, je ne peux pas accepter. Elle avait bien de la famille, Maïtena. »« Non, et moi non plus. Vous me faites gaguer, tous les deux. Si tu ne les prends pas, je les balance par la fenêtre. C'est clair ? Bon, bon, t'énerve pas. » J'empoche les bagouses, sous le regard accusateur de Louisa, me faisant fort de les rendre à Fred dans quelque temps, quand il commencera à avoir besoin de souvenirs. Là-dessus, 3 balais arrivent, porteurs du cercueil. Nous devons redescendre pour les laisser procéder à la mise en bière. Voilà, c'est terminé, messieurs dames. Il vaudrait mieux laisser la fenêtre ouverte. Et les 4 rats gris s'esbignent discrètement. Après cet épisode macabre, il serait bon que j'aille m'étendre un peu, histoire de remettre mes neurones en place. Comme chaque fois que je suis fatigué, je n'ai pu m'endormir. Je retournais dans ma tête la blessure de Maïtena, la vue du garage, les histoires que j'avais lues. Tout se mélangeait dans un brave pastis et j'ai préféré me lever. J'ai fonctionné au ralenti jusqu'au soir. Grâce à Gilda, qui a répandu la nouvelle depuis la mairie, les visites ont commencé assez tôt ce matin. Bien évidemment, Gigi a scrupuleusement tué les doutes qui planent sur la mort de Maïtena. S'il y a des indiscrétions, elles ne pourraient émaner que de Fred ou de Louisa. Le curé est venu prier quelques instants, geste assez sympa de sa part, vu que les Barthes ne sont pas des sauce-toits de souche et qu'ils n'ont certainement jamais mis les pieds à l'église. Un représentant de la mairie est venu également s'incliner sur la dépouille. Les membres de plusieurs associations auxquelles appartenait Maïtena, Marcel, un vieux copain de Caro, qui amenait Maïtena à la pêche en lorgnant ses jambes. Ma belle-mère Paula et mon ami Louis, son mari, sont venus également et ont lâché de vraies larmes, car on ne comptait plus les parties de rire qu'ils avaient partagées avec Maïtena. Fred était à côté dans son bureau et recevait les visiteurs envoyés par Louisa, qui fit la gueule tout au long de la journée, en voyant s'accumuler les traces de semelles sur les marches de chêne. Le soir, la chambre embaumait une odeur vague de produits pharmaceutiques mêlés au parfum déjà suri des fleurs. Mokhtar est venu s'incliner sur la dépouille avec Louisa. Je les ai entendus se disputer. Louisa disait « Non, ne la mets pas, ça ne se fait pas. » Ce que Mokhtar a répondu « Mais je t'ai dit que si, fous-moi la paix. » Le lendemain, j'ai remarqué dans les mains de Maïtena une petite croix de bois. Je suis sûr que c'était l'objet de la dispute des deux jeunes gens. Puis nous avons procédé à l'inhumation de Maïtena. Enfin, inhumation ou enterrement sont deux termes qui ne conviennent pas puisqu'elle a subi une crémation après une bénédiction à l'église de Sausset. Fred a décidé, selon les vœux de la défunte, que les cendres soient répandues au large de la crique où elle aimait tant se baigner. Selon l'ombre au tableau, Fred a refusé catégoriquement de se charger de l'urne. J'ai donc écopé du pinsum. Dans la voiture, Lisa jetait des regards de travers à l'urne posée sur le plancher à l'arrière. J'ai décidé d'effectuer le travail dès notre retour à Sausset. J'ai sorti mon bateau du garage sous la villa. Avec le treuil automatique de la rampe en béton, c'est un jeu d'enfant. Cet aménagement était d'ailleurs la condition sine qua non qui m'a fait acheter précisément cette maison. Je n'avais pas la possibilité d'obtenir un anneau dans le port, et je commençais à ne plus être capable de mettre seul une embarcation à l'eau. Une fois dans le bateau, j'ai aperçu Fred qui m'observait à la jumelle depuis sa terrasse pour dire un dernier adieu à sa femme. Parvenu à une cinquantaine de mètres de la plage, j'ai mis en petite vitesse et j'ai fait décrire un cercle à mon bateau. Pendant ce temps, je tenais l'urne inclinée le long de la coque, et les cendres se sont autant répandues dans l'air, en raison d'un petit mistral sournois, que dissoute dans l'eau. J'ai peut-être moi-même inhalé quelques parcelles de Maïtena. Une fois le boulot terminé, j'ai montré de loin l'urne vide à Fred, en l'interrogeant d'un geste de la main. « Qu'est-ce que j'en fais ?» Il m'a répondu en mettant son pouce vers le bas. J'ai donc aussi balancé l'urne par-dessus bord. Voilà, toute une vie venait d'être effacée. Fred a aussitôt quitté sa terrasse. Le plus dur allait venir pour lui. En remontant de la crique, j'entendis pousser des cris chez Barthes. « Non, non, je ne pourrais pas. Mon Dieu, pourquoi une telle punition ? Pourquoi ne pas m'avoir tué, moi ? Aïe, aïe, aïe, ramenez-la-moi » Suivirent des bruits de choc, vraisemblablement des objets qui devaient voler bas. Oh, pauvre ! Le Fred nous pétait un plomb. Je ne pouvais pas le laisser dans cet état. Après un détour par ma salle de bain et mon armoire à pharmacie, je me suis précipité chez lui. J'eus la désagréable surprise de tomber sur la porte fermée à clé. Je me suis mis à tambouriner pour tomber sur la mine peu amène de Louisa, qui m'a fait d'un ton acerbe. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Sans répondre, je l'ai écarté sans ménagement et me suis rué au premier. Fred était sur le lit, la tête enfouie à l'emplacement occupé par le corps de Maïtena, se tordait comme un épileptique. Je parvins à le maîtriser et à l'allonger sur le dos. « Tiens, avale ça !» lui dis-je en lui tendant Tranxène de bon dosage dans le creux de ma main. Il goba la gélule sans eau, me faisant une belle confiance. « Qu'est-ce que vous lui donnez ?» questionna Louisa sur le pas de la porte, l'air furibard. Ce coup-ci, c'en était trop. Elle avait dépassé la limite. « Mais vous allez vous casser de là, nom de Dieu !» hurlai-je en lui balançant un coussin à la tête. Fred, surpris par mon hurlement, arrêta aussi ses clésiens. Appuyé sur un coude, il lança Louisa. « Oui, c'est ça, foutez-nous la paix !» J'entendis la fille descendre l'escalier en martelant les marches des talons avec une rage telle que je craignais pour la solidité de l'édifice. Déjà, Fred se calmait, mais ce n'était pour l'instant que l'effet placebo du cachet. Tout à l'heure, il allait normalement s'assoupir pour un bout de temps. Je le laissais donc faire son pénouquet, sa sieste, tranquille, et rentrer chez moi, la parade, non sans avoir claqué copieusement la porte au visage de Louisa. Je l'entendis tout de même crier « C'est ça, casse-toi !» ce que je pris pour une déclaration de guerre. En rentrant chez moi, je malmenai aussi ma porte, ce qui me valut une sèche remontrance. « Oh, calmos, bello! Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette porte ?» À quoi je répondis d'un ton agacé. « Oh, ça va, hein, tu ne m'as pas me brisé les kiwis, toi aussi !» Gilda me suivit au salon où déjà j'avais débouché la bouteille de Giant Bee, un verre dans la main. « Mais qu'est-ce qui s'est passé, Gino ? Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu dans cet état, raconte. » « C'est cette conne de Louisa. Je vais lui claquer le beignet la prochaine fois, lui mettre une tarte que le mur lui en donnera une autre. Ouh là là, quel programme! Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?»« Elle m'a fait que madame veut monter en grade. Elle veut passer de boniche à gouvernante. Elle entend tout régenter désormais. Elle laisse ce pauvre Fred nager tout seul dans sa déprime. On dirait que ça lui fait plaisir qu'il en bave. Elle ne veut pas qu'il en perde une miette, sale téba. » Là-dessus, je me suis enfilé d'un trait la lampée et fait claquer ma langue. Non mais des fois. J'ai droit de la considération et du respect. Qu'est-ce qu'elle croit, cette tâche? Ah, tu veux la guerre? Eh ben, tu vas la voir, ma fille. Lisa, par mes cris alertés, les mains sur la tête, la bouche en eau, finit par dire « Ben, papidou, c'est la crise, hein ?» Je leur racontais donc l'épisode précédent en insistant sur l'attitude agressive de Louisa. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Elle n'a jamais été comme ça, déclara Gilda. C'est louche ça, mon papidou, dit Lisa sur un ton de mystère, le doigt en l'air. Tu ne crois pas si bien dire, ma puce. Quand je disais qu'elle cherchait l'embrouille, elle va la voir. Au fait, ce soir, ma mère et Louis viennent manger. Ben, ça tombe bien. Je pourrais parler à Louis pour voir ce qu'il en pense. Ah non, hein, vous n'allez pas recommencer comme au Vigan, quand vous avez mené votre enquête à la noix avec Louis et Serge. Pendant ce temps, nous vous attendions en tricotant comme des gourdes. Tu parles de vacances. Je te préviens que ce soir, on ne regardera pas Jean-Pierre Foucault comme deux idiotes. C'est hors de question, tu m'entends? Mais non, ne commence pas à te monter un aïoli, tu me connais. Oui, eh bien justement. Gilda fait allusion aux vacances que nous avions passées au Vigan, dans un mât dont Louis, alors capitaine de la gendarmerie du Patelin, avait hérité. Le hasard nous avait plongé dans une affaire de meurtre en série à laquelle Serge et moi avions participé en dilettante. Nonobstant l'avertissement de Gilda, j'attaque dès l'apéro en mettant Louis et Paula au courant de l'affaire qui me préoccupe. Gilda ne dit rien puisque tout le monde peut participer à la conversation. « Il me semble que c'est clair, » dit Louis. « Ou c'est l'un des deux, ou Minez ont monté leur coup ensemble. Qu'est-ce qu'attend Chavannes pour les boucler? Il n'a bien qui lâchera le morceau. Tu nous l'as fait à la hussarde, en coffre d'abord, on parle après. Ah, ces gendarmes! Et sur quelle présomption va-t-il les boucler, tu veux me le dire? Non, Chavannes est un type fin. Il attendra d'avoir plus d'éléments pour intervenir. Même le proc et la juge nageaient dans la semoule. Si on pouvait les torturer, peut-être, » dis-je en rigolant, « mais là, ça risque de foirer totalement. » « Alors, monsieur Gino Volpi, le fin limier, va trouver la solution. Pas vrai, bello ?» lâche Paula sur un ton sarcastique. « Si tu veux mon avis, s'ils t'ont appelé aussitôt, c'est peut-être pour que tu leur serves d'alibi. Tu étais le premier sur les lieux, à part eux deux, et tu n'as rien remarqué d'anormal. Ouais. Si, justement, j'ai remarqué quelque chose. Ils n'ont pas pensé que la position du cadavre allait poser problème. Et c'est là où ils se sont fait avoir. » Tu me dis que la rampe du balcon et de l'escalier est une balustrade? Ouais. Solide? Eh oui. Alors l'obstacle doit être un gros fil de pêche ou une corde qui a été attachée au balustre, dit Louis péremptoire. Et tout à coup, la lumière se fit dans la cafouche de ma mémoire. La différence dans le garage, l'élément qui avait changé entre ma première et ma deuxième visite, c'était la corde. La corde qui était jetée en vrac au pied de l'établi, une corde en nylon de moins d'un centimètre de diamètre, d'un blanc sale. À ma deuxième visite, après le départ de Louisa, la corde n'y était plus. Louisa avait certainement dû l'emporter dans son cabas. Maintenant, je voyais clairement l'objet. « T'as raison, Louis, c'est une corde. Ah, ces gendarmes, tout de même. » Et je leur expliquais aussi sec la raison de mon exclamation et de ma bonne humeur. « Et tu es certain que Louisa a emporté la corde ? En tout cas, après son passage dans le garage, elle n'y était plus. » Si c'est Louisa toute seule, il aurait fallu qu'elle eût le temps de dénouer la corde avant que Fred ne sorte de son bureau. Or, elle dit que quand elle est rentrée de la terrasse, elle a vu Fred assis sur les marches et Maïtena est allée dans l'escalier. Quant à Fred, il y est accouru dès le cri de sa femme. Remarque que détacher une corde ne prend pas 30 ans, surtout si on a su faire le bon nœud. Alors, s'ils ne sont pas complices, c'est Fred. Il nous tape le cinéma de l'époux inconsolable et en réalité se fourbe à expédier sa femme. Tout ça, c'est bien joli, mais ça ne nous dit pas pourquoi Louisa a changé d'attitude à ce point, surtout à ton égard. Elle a peut-être peur que tu découvres quelque chose et elle cherche à t'écarter. Ou alors, fit Louis, elle a compris que Fred avait tué sa femme. Elle n'ose pas le dire, mais elle est persuadée qu'il ment. Elle lui en veut et a peut-être décidé de lui faire payer son crime. Qui l'ose ça ? Bon, si on passait à table, conclut Gilda. Pendant le repas, il ne fut plus question de Maïtena. Nous parlâmes de la façon dont nous allions passer les congés de Noël. En nous quittant, Louis me glissa à l'oreille. « Dès demain, tu devrais toucher un mot de la corde à Chavannes. Si on la retrouvait au domicile de Louisa ?»